USA, Texas. Fairly Jordan, Hilly Troop, they show the fun, they show County La Femme. Parfois même il n'a pas faim, il les cherche des trésors avec une pelle, il déterre son magot, souvent la vieille vaisselle. En fait, il s'agit d'un petit bonhomme, d'un petit bonhomme qu'on appelle Tom. Tom est un garçon comme les autres, il a une vie normale comme la vôtre. Il s'agit d'un petit bonhomme, d'un petit bonhomme qu'on appelle Tom. Tom est un garçon comme les autres, il a une vie normale comme la vôtre. Faire vivre, respirer, manger, aimer et puis rester libre. Croise un escargot, l'appelle et lui demande alors: est-ce que la vie est belle pour toi? L'animal a l'opinion plutôt réfractaire. Pour l'escargot, l'homme est le plus grand des prédateurs. Préfère à ne pas répondre à ce dangereux destructeur. Lui tourne le dos puis s'enfuit à 100 à l'heure. Il s'agit d'un petit bonhomme, d'un petit bonhomme qu'on appelle Tom. Tom est un garçon comme les autres, il a une vie normale comme la vôtre. En fait, il s'agit